Oui, alors déjà, je suis désolée pour ceux qui pensaient que mon intervention commencera à 16h. J'ai été prise dans des bouchons. Voilà, donc avec la commission Média Debout dont je fais partie, on a organisé pour aujourd'hui une spéciale Média, une journée spéciale Média et un week-end même spécial Média, puisque demain également, on va faire une assemblée populaire où il sera question des médias et nous aurons le premier secrétaire de Reporters sans frontières qui viendra nous parler demain à 16h, entre autres, lors d'une grande assemblée générale. Il faut savoir que le pilier de la démocratie en France, c'est quand même, et dans le monde, la liberté d'expression et la liberté d'avoir accès à l'information, la liberté d'informer. Reporters sans frontières, d'ailleurs, sur son site, en première page, on peut y lire que la France est tout de même classée, l'an dernier, a été classée 49e au rang mondial de la liberté de la presse. Voilà. Donc ça, c'est quand même édifiant. On peut quand même vraiment s'inquiéter, se questionner, de se dire que notre pays, là, notre pays, qui est quand même une des cinq plus grandes puissances mondiales, est classé 49e au rang en tant que dans le rang de la liberté de la presse. Voilà. Donc, on a pu constater dans l'actualité ces derniers mois de plus en plus d'actions, on va dire militantes, de rébellion et de résistance de certains journalistes, dont ceux d'ITélé. Il y a eu également des journalistes qui ont été mis à pied pour des raisons politiques. Je pense à Aude Lancelin, qui était à l'Obs et qui a été licenciée pour raisons politiques, puisqu'elle était soi-disant trop proche de Nuit Debout. Et elle a écrit un livre là-dessus. Il y a heureusement encore en France quelques médias résistants. Il y a Mediapart, il y a Les Jours qui viennent de se monter. Il y a Gazette Debout, il y a Nuit Debout qui tente de faire ses propres médias. On a eu Radio Debout, on a eu TV Debout, mais bon, notre précarité, nos petites équipes n'ont pas résisté. Mais bon, on ne sait jamais, on compte peut-être reprendre un jour. En tous les cas, la question des médias, elle est au cœur de la démocratie, et ça, faut pas l'oublier, et on a trop souvent tendance à l'oublier. Alors, je voulais vous donner quelques chiffres un peu significatifs de l'importance de l'information dans une démocratie, l'importance de l'information tout court dans l'éducation. Puisque un citoyen qui puisse se forger une opinion, qui soit capable de participer à la vie de la cité et à la vie de notre société, pour ce faire, il faut qu'il soit évidemment au courant des faits. Il faut qu'il soit au courant de ce qui se passe dans cette société. Et pour ça, bah, il faut des journalistes qui puissent faire un boulot en pleine confiance, avec de la neutralité et avec des bonnes conditions de travail. Et actuellement, il y a une grande dérive dans ce milieu et qui concerne particulièrement la télévision. Parce qu'il faut connaître aussi un chiffre, c'est que plus de 60% des gens ne lisent pas du tout de journaux ou de quotidiens pour s'informer. La grande majorité des gens s'informent par les journaux télévisés. Et ce qu'on a pu observer ces dernières années, c'est que l'information, petit à petit, a été grignotée par ce qu'on peut appeler les loisirs, les divertissements. Quand on regarde un journal d'information, ce qui est mis en avant aujourd'hui, ce sont avant tout des faits divers, des concerts, des spectacles, quel film il faut aller voir, c'est aussi les loisirs et c'est aussi le tourisme. Aller voir telle ville, aller visiter telle cité, etc. Et donc toutes ces dérives-là, on voit bien qu'au niveau de la qualité de l'information et du rendu envoyé aux spectateurs, il y a une vraie baisse de qualité. Et que tout ça se ressent dans l'état de notre démocratie. Parce que les gens ne sont pas totalement dupes, même si on subit et qu'inconsciemment, bah, on est un peu manipulé et presque complice de cette manipulation parce qu'on laisse faire. Il faut voir aussi qu'en France, en moyenne, tous les plus de 15 ans regardent 4 heures de télévision par jour. Et ça c'est une moyenne qui comprend aussi les gens qui ne regardent pas du tout la télévision. Je ne sais pas si vous réalisez le chiffre immense du pouvoir qu'a la télévision sur les populations, sur les gens, et qui sont donc censés être des citoyens qui puissent être conscients d'influer dans la société, qui peuvent être conscients ensuite d'aller mettre un bulletin de vote dans l'urne. Alors effectivement, il y a eu pas mal d'ouvrages qui ont été faits, qui ont dénoncé tout ça. Alors il y a eu bien sûr Pierre Bourdieu, notre cher sociologue, qui malheureusement a rendu l'âme, mais qui a fait un travail absolument exemplaire. On peut retrouver des vidéos de lui qui parle de la télévision et des méfaits de la télévision. Alors, je voulais vous lire un petit peu une introduction qu'il avait écrite lorsqu'il a fait deux émissions qui étaient retransmises au Collège de France et qui parlent de l'influence de la télévision et du travail de journaliste en télévision. Et alors, dans cet à propos... Donc, sur la télévision suivie de l'emprise du journalisme, Pierre Bourdieu nous explique par une analyse bien approfondie, mais qui aurait demandé encore plus de temps qu'il n'en a eu. En tous les cas, il analyse que la télévision fait courir un très grand danger aux différentes sphères culturelles, de l'art, de la littérature, des sciences, de la philosophie et du droit. Et même que, contrairement à ce que pensent et ce que disent certains, sans doute, en toute bonne foi, les journalistes les plus conscients de leurs responsabilités, malgré tout, la télévision fait courir un grand danger à la vie politique et à la démocratie. Voilà, donc, bon, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est un peu abscon par moment. En tous les cas, il termine quand même par dire que la télévision... Elle aurait pu pourtant être un formidable outil de démocratie directe, un extraordinaire instrument de démocratie, alors qu'aujourd'hui, quelque part, il s'est converti en un instrument d'oppression symbolique, avec l'exacerbation de sentiments de xénophobie, de sentiments de peur qui sont souvent mis en avant dans les JT et dans les émissions. Alors, je voulais vous parler aussi d'un organe très important à la télévision, qui est un peu l'étalon maître, la pièce maîtresse de tous les producteurs, de tous les journalistes, et qui leur permettent de se mesurer les uns les autres et de pouvoir se dire « Ah, je suis meilleur que toi, telle émission de télé va avoir eu un meilleur... un meilleur audimat, en fait. Alors, il faut savoir que l'audimat, il est mesuré par, entre autres, un organisme qui s'appelle Médiamétrie. Et alors, ça m'a fait rire parce que je suis allée sur Médiamétrie et j'ai été un peu dans tous les onglets. Et il y en a un qui m'a interpellée. Je me suis dit, ah, Médiamétrie semble quand même être conscient de ce qui se passe dans le monde de l'information et dans le monde du journalisme. Parce qu'il y a un onglet sur Médiamétrie intitulé « L'actualité joue avec l'audience ». L'actualité joue avec l'audience. Rien que le titre de « jouer », ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et l'intitulé est comme ça. « Météo, jours fériés, compétitions sportives, grèves peuvent avoir une influence sur la consommation des médias ». Alors Médiamétrie est très clair là-dessus. Les téléspectateurs, ils ne vont pas s'informer, ils vont consommer du média, consommer de l'information. Et donc, dans cet onglet, l'actualité joue avec l'audience. Ils sont censés recenser chaque jour quels faits d'actualité ont pu avoir une incidence sur l'audimat en ce qui concerne l'information. Et alors, c'est drôle parce que j'ai cliqué sur l'onglet, puis il était vide. Voilà, et en fait, ils n'ont rien fait. Je me disais, ah ben mince, Médiamétrie font réellement des vraies enquêtes intéressantes sur les liens entre l'audimat et le jeu... des journalistes d'information. Et en réalité, ben non, pas de bol, aucune actualité ne correspondait à cet onglet. Et c'est pas étonnant parce qu'en réalité, ben, Médiamétrie. Alors, Médiamétrie, qu'est-ce qu'il donne comme chiffre? « La médiamétrie, donc, qui mesure, c'est la mesure de référence de l'audimat de toutes les TV en France. Alors, médiamétrie fonctionne comme ça. Il y a 11 356 individus qui vont analyser ce que regardent les foyers, 5000 foyers en tout, donc avec chaque foyer à plusieurs individus, et il y a des boîtes, des boîtiers qui enregistrent et qui retransmettent donc à médiamétrie tout ce que chaque personne de chaque foyer va regarder. Et donc on observe que par exemple, donc cette année, en septembre 2016, on a regardé 3h29 par jour la télévision. Alors qu'en septembre 2015, c'était 3h34. Globalement, il y a une très légère baisse, et Médiamétrie est en train d'expliquer cette baisse de quelques minutes par tout simplement la météo, qui peut avoir eu effectivement des effets. Et quand on observe qu'il y a eu beaucoup de journées d'ensoleillement, il y a quelques jours, quelques minutes en moins de télé regardées, grosso modo. Et également, il y a une baisse qui s'explique par les effets d'équipement. Puisque maintenant, il y a beaucoup moins de personnes qui regardent la télé via leur télévision, mais simplement par les tablettes, puisqu'on peut faire du catch-up, de la rediffusion, du différé, avec notamment tous les outils, smartphones, tablettes, donc ça fausse un petit peu le jeu. Mais grosso modo, les médias sont quand même toujours essentiellement regardés sur la télévision. Et on continue de regarder massivement la télé. Surtout donc, alors plus on est vieux, plus on la regarde, hein, ça faut le savoir. Il y a la fameuse ménagère de moins de 50 ans qui est la source de toutes les convoitises en termes d'audimat, puisque c'est celle qu'on appelle la responsable des achats. Donc on voit bien que ce qui, en quelque sorte, dirige les succès de télévisuel, c'est aussi ce qui va engendrer plus d'achats dans le caddie, ce qui va engendrer plus d'achats et ce qui donc va permettre plus de gains et de bénéfices pour les grosses entreprises. Alors évidemment, ça n'a échappé à personne. Et donc, on a en moyenne 4h08 de télé pour les plus de 15 ans en 2014. Et voilà, c'était tout pour Médiamétrie. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que Médiamétrie fournit les audiences à toutes les chaînes et que la première chose que fait un producteur quand il regarde, quand il ouvre son mail le matin, c'est de voir les audiences de Médiamétrie sur son émission. Voilà. Alors, ce que je voulais aussi vous raconter un petit peu, c'était par rapport à l'infotainment et aux dérives, justement, de l'influence de l'audimat sur l'information. Parce que c'est quand même assez assez inquiétant de se dire que l'information est devenue un produit banal, un produit comme une boîte à chaussures, comme tout et n'importe quoi qu'on peut acheter en magasin. Puisque, effectivement, les parts de marché qui correspondent aux audimats sont recensées et vont influencer les rédactions. Alors, je voulais vous parler du travail d'un journaliste qui a fait un très bon article sur l'infotainment, que je voudrais vous lire. Il s'appelle Antoine Dain, il est chercheur en sociologie, et il est à Normal Sup. Et donc, il a écrit au mois de mai dernier: j'ai toujours eu du mal à accepter les trucs hybrides, sans que je puisse trop expliquer pourquoi. Je préfère utiliser mon téléphone pour communiquer, mon lecteur MP3 pour écouter ma musique, mon appareil photo pour immortaliser mon voyage en Nouvelle-Zélande. C'est peut-être une forme d'archaïsme à l'heure du multifonctionnel, mais tant pis. Pourquoi vouloir mettre un toit sur un scooter? Pourquoi avaler un brunch onéreux quand on peut enchaîner un petit déjeuner puis un déjeuner? De la même manière, pourquoi aller sur BuzzFeed quand on peut s'informer via Le Monde? Pourtant, le pari de l'infotainment est de jouer sur deux tableaux. Donc l'infotainment, c'est à la fois divertir et informer. À l'heure où les médias sont forcés de s'adapter à des changements culturels, les nouvelles manières de consommer de l'info à des changements économiques, la crise des médias traditionnels, et à des changements technologiques, l'émergence des réseaux sociaux. On peut se demander comment l'infotainment a émergé et s'est imposé en célébrant un mariage qui n'allait pas de soi. Donc pour capter une attention qui s'éparpille à mesure que les points de contact avec les médias se multiplient, l'information aurait besoin d'être divertissante pour attirer le plus grand nombre. Sauf que l'infotainment, finalement, ce n'est pas que ça. Derrière ce terme un peu fourre-tout se dissimule une idéologie bien précise et qui est tout sauf neutre. Le mot infotainment s'est souvent employé dans un sens péjoratif et permet de dénigrer au besoin, au même titre que bobo ou hipster. Ça permet de dénigrer Logographie, BuzzFeed, Vice, les guignols de l'info, Touche pas à mon poste, Le Petit Journal, qui ont tous été associés à ce terme. Alors même qu'ils n'ont pas grand-chose en commun eux-mêmes, si ce n'est de pouvoir être considérés comme divertissants. Alors selon nos amis d'Acrimed, qui est un des organes de critique média les plus actifs et les plus subversifs, l'infotainment est à très faible teneur informative, elle est toujours fédératrice des opinions et grand public dans son traitement journalistique. Partant de là, on comprend qu'il ne suffit pas d'être divertissant pour être considéré comme infotainment. On a aussi la confirmation que ce n'est pas vraiment un compliment. Dans la nébuleuse de l'infotainment classique, on trouve d'un côté les pure players, uniquement présents sur le net, et de l'autre les émissions de TV, comme On n'est pas couché. En ce qui concerne les premiers, les études ont donné l'occasion de comprendre qu'infotainment rime surtout avec procrastination et dégoût de soi. Alors là, le journaliste écrit « Je ne me suis jamais senti aussi inutile qu'après avoir perdu une heure sur Topito, une veille de partiel, à consulter des dizaines d'articles publiés en continu. » C'est vrai que je pense que ça nous est tous arrivé de perdre du temps sur des conneries qui nous arrivent en boucle, qui nous sautent aux yeux sur nos écrans. Premier ingrédient donc, proposer des quantités industrielles de contenu. Et le corollaire, c'est la très faible qualité de ces contenus, ou plutôt leur très faible plus-value informationnelle. Alors que le travail classique du journaliste nécessite de consacrer une partie considérable de son temps à rechercher des sources fiables, à les confronter et à y apporter un vrai regard critique, les sites d'infotainment, eux, se sont fait spécialistes d'une autre manière de produire du contenu, beaucoup plus économe en temps, qu'on peut appeler la curation, un terme élégant pour dire qu'ils pompent quelques gifs ou quelques Reddit et en font une liste, l'équivalent d'un webjournalisme, des post-it qui jonchent le bureau moyen. Voilà, vous obtenez un listicycle. Ça ne rime à rien, ça rime à rien d'élégant, ça nécessite de faire des études de journalisme et ça peut vous permettre d'obtenir parfois une carte de presse. On assiste au prolongement d'une tendance à long terme qui a vu le contenu perdre son importance au profit du contenant, la forme qui s'impose sur le fond. Si la qualité de l'info dans l'infotainment est très faible, c'est d'abord parce que l'accent est mis sur le divertissement. Et le pari est fait qu'il n'y a que comme cela que l'on peut trouver grâce aux yeux d'un public qui n'en a plus rien à faire des guerres et de la pollution. Ce parti pris a pour conséquence un rôle croissant du LOL. Concrètement, les comiques et les animateurs tendent à remplacer les journalistes. D'ailleurs, l'humour est devenu une manière légitime et privilégiée d'aborder l'information, comme le prouve le succès du Petit Journal, où l'engueulade entre Jérémy Ferrari et Manuel Valls, Ferrari ayant pris soin à l'avance de préciser qu'il n'était ni politologue ni historien. Est-ce vraiment le rôle d'un humoriste de mettre le doigt sur les erreurs politiques d'un gouvernement ? L'infotainment consacre une nouvelle manière de choisir qui peut discuter d'un sujet. Il n'est plus nécessaire d'être bien informé ou de savoir raisonner. Il suffit d'être une grande gueule, d'être un polémiste ou quiconque susceptible de faire le buzz. Le Guardian faisait le constat l'été dernier de la disparition des grands intellectuels français dans la discussion publique. En effet, ils semblent avoir été peu à peu évincés dans ce domaine par des mecs beaucoup moins académiques mais bien plus télégéniques. On pense à Onfray et Zemmour en tête. Bien plus doué pour créer l'événement que pour créer la réflexion. Là encore, le phénomène n'est pas nouveau. On assiste au prolongement d'une tendance à long terme qui a vu le contenu perdre son importance au profit du contenant. La forme donc s'imposait sur le fond. En ce sens, la critique formulée à l'encontre des nouveaux médias qui s'adonnent à l'infotainment fait écho à celle qu'ont essuyée les nouveaux philosophes à partir des années 70. Je ne sais pas qui de BHL ou de BuzzFeed serait le plus vexé par cette analogie. Il a quand même une intuition. Mais on comprend donc que l'idée d'un appauvrissement de la sphère intellectuelle et médiatique ne date pas d'hier. La nouveauté, en revanche, c'est la manière dont l'infotainment a évacué le contenu informationnel pour se focaliser sur l'enrobage, un contenu viral ou fun. L'information devient une matière première, sa mise en scène, un mode de production, et le lectorat sont bien sûr des consommateurs. Qu'il s'agisse d'être polémique, grande gueule ou d'avoir un potentiel buzz, les médias infotainment se définissent davantage par une façon de dire que par une volonté réelle de dire quoi que ce soit. Le Petit Journal, par exemple, parvient à faire rire le public des hommes et des femmes politiques de leurs contradictions ou de leurs défauts sans jamais réellement parler de politique. Plus généralement, c'est là une constante de l'infotainment. L'humour et la légèreté ne s'attaquent jamais vraiment à des idées. On moque un tic, une attitude ou un propos trop minoritaire pour être pris au sérieux. L'infotainment consacre une forme d'humour stéréotypée et très peu subversive. C'est ce qui le distingue de la satire, dont il prétend parfois s'inspirer, avec l'ambition intellectuelle en moins. Alors logiquement, les modes de sélection de l'information évoluent. Le journalisme, idéalement, est doté d'une fonction sociale, clarifier les événements de l'actualité, former l'esprit critique du public, fournir l'information nécessaire pour construire son point de vue et se positionner sur les enjeux de société. Cette fonction sociale apparaît de moins en moins comme un idéal partagé dans la sphère médiatique. Ainsi, l'infotainment opère un changement de perspective. La valeur sociale de l'information et du traitement qui lui est accordé est totalement évacuée au profit de la prise en compte de sa valeur purement économique. C'est très clair chez BuzzFeed, chez qui la ligne éditoriale a été remplacée par un business model qui consiste à se focaliser sur le potentiel de viralité d'un contenu pour déterminer s'il sera publié. L'information devient une matière première, sa mise en scène, un mode de production et le lectorat donc des consommateurs. Le recours à des algorithmes pour mesurer ce potentiel de viralité et le développement de contenus générés automatiquement renforce l'idée selon laquelle BuzzFeed se pense d'abord comme une entreprise médiatique qui n'a pas peur de rationaliser la production de contenus façon temps moderne. Derrière, afin de dissimuler le vide informationnel de ces listicles, le site superpose un glaçage d'émotions toujours positives, de valeurs ultra-consensuelles, de princesses Disney et de discours stéréotypés. Ce qui ressemble à une prise de position n'est en fait que de la bienséance, malgré et grâce à son apparence progressiste. Ce n'est sans doute pas tant par fibre militante que BuzzFeed parle aussi souvent de sexisme ou de body shaming, que parce que ces sujets sont porteurs sur les réseaux sociaux. L'exploit de l'infotainment est d'avoir légitimé et rendu économiquement viable cette double contradiction. Des contenus sans information et des médias sans journalistes. À l'image des grandes entreprises qui construisent leur image de marque autour d'émotions très convenues, par exemple la liberté, l'aventure pour les constructeurs automobiles ou le dépassement de soi pour les grandes marques de sportswear, l'infotainment adopte une logique issue de l'industrie, une logique qui vise un public de masse. L'infotainment est donc consensuel par nécessité économique. Plus radical encore, l'infotainment épouse une logique économiciste en place dans de nombreux secteurs qu'il transpose à la sphère médiatique. Il introduit une rationalité économique extrême dans la production des contenus médiatiques. Pourquoi s'emmerder à chercher des sujets, des angles d'approche, des problématiques si en réalité la majorité des gens ne les lit pas? Pourquoi ne pas se contenter de listicles si c'est ce qui a le plus de chances de marcher? Personne ne s'étonne que McDonald's emploie des étudiants désargentés plutôt que des chefs étoilés ou que Michael Bay ne développe pas plus la psychologie de ses personnages. Ce n'est pas ce qu'on leur demande. De même, les grands pontes de l'infotainment se sont dit qu'ils n'avaient pas besoin de journalistes finalement. On peut les remplacer par des algorithmes, par des humoristes, par des experts autoproclamés ou mieux encore par des commerciaux. Finalement, l'exploit de l'infotainment est d'avoir légitimé et rendu économiquement viable cette double contradiction. Des contenus sans information, des médias sans journalistes. Dans la relation entre information et divertissement, la première doit être mise au service du second. L'actualité devient un prétexte au spectacle, au sens habituel, mais aussi au sens où l'entendait Debord. Peut-on se satisfaire d'un divertissement stéréotypé qui prétend être politiquement incorrect, moderne et cool, alors qu'il est en fait toujours consensuel, sympa et pas du tout subversif? Les fondateurs de Combini, pour leur part, assument totalement cette hybridation entre médias, marques et entreprises, ne se fixant plus pour but d'informer, mais de servir de relais entre leur communauté et les marques. L'aspect commercial est non seulement prioritaire, mais il est même revendiqué. En apparence, la logique est implacable. Les mecs prétendent proposer une user experience innovante et cool, qui permet de découvrir l'info autrement et en moins formaté, mais dans les faits, ce discours s'avère totalement douteux, puisqu'ils reprennent les mêmes infos que tout le monde, mais surtout, ils semblent incohérents avec le business model défendu par ces mêmes entreprises. Proposer des prestations de services pour aider les annonceurs à concevoir et médiatiser des contenus. Les médias, dans un monde idéal, produisent du contenu pour qu'il soit lu par un lectorat. Leurs clients sont des lecteurs et non des marques à qui vendre le temps de cerveau disponible de ces derniers. La crise que traversent les médias traditionnels engendre des changements. C'est probablement une bonne chose que de nouveaux formats, de nouvelles idées, de nouvelles manières de produire l'info soient mises à l'essai et que les nouvelles technologies soient mobilisées pour cela. Mais la solution proposée par l'infotainment en réponse à cette crise soulève elle-même de très nombreuses questions. Peut-on se contenter de cet hybride qui n'est ni vraiment de l'info, ni vraiment de l'humour? Peut-on se satisfaire d'un divertissement stéréotypé qui prétend être politiquement incorrect, moderne et cool, alors qu'en fait il est toujours consensuel? Enfin, peut-on laisser l'infotainment imposer ses codes au reste du paysage médiatique quand cela semble nuire au débat public et à la qualité de l'information? Voilà. C'était donc un article sur l'infotainment publié dans Vice et qui m'a semblé tout à fait opportun à lire. Et je voulais également vous parler du coup plus précisément des JT, parce que là, il parle beaucoup d'Internet dans cet article, de Combini, de BuzzFeed. Et c'est vrai que Internet mêle les genres de façon beaucoup plus décomplexée et outrancière qu'à la télévision. Mais c'est précisément justement contre cette dérive-là, par exemple, que les salariés d'ITélé sont en grève aujourd'hui, puisque ils avaient refusé il y a quelques mois de faire ce qu'on appelle du publi-reportage, puisque Bolloré voulait demander à la rédaction d'ITélé de fabriquer des publi-reportages, c'est-à-dire des publicités commerciales pour des produits déguisés en reportage. Et alors ce genre d'objet, on en voit de plus en plus, et parfois c'est à peine déguisé, et on peut même en retrouver sur les antennes de France Télévisions. Je ne sais pas si vous regardez les JT en ce moment, mais ça arrive même à Pujadas de faire des genres de publi-reportage et de mettre en avant, de vendre, entre guillemets, des entreprises et des marques. Alors, il y a quand même toujours un ton journalistique et une critique qui est à même de faire la différence, à peu près. Mais la barrière est quand même très, très ténue, de plus en plus ténue. Et c'est bien là-dessus que nous, en tant que citoyens, il faut vraiment qu'on soit très vigilants et qu'on s'empare de nos outils pour critiquer et pour alerter. Et justement, il y a eu des... Alors, on le voit pas, mais derrière ce panneau, il y avait un truc sur... Si Jérôme, tu peux retourner le panneau. Il y a le CSA qui est un peu le seul outil citoyen qu'on peut saisir pour alerter si nous, en tant que spectateurs, on constate... que dans l'information, y a des dérives, qu'il y a des infos qui sont pas fiables, ça arrive régulièrement que que des chaînes de télé ou des médias diffusent des informations qui sont fausses et qui sont ensuite parfois contredites avec des, comment on appelle ça, des déclarations contradictoires, quoi, j'ai plus le terme. En tous les cas, le CSA, c'est un des outils dont il faut se saisir. Et d'ailleurs, les salariés d'ITélé ont fait appel au CSA pour interpeller sur la dérive de l'infotainment à ITélé. Et c'est vrai que quand on observe un peu l'évolution des JT, ces 15 dernières années, c'est vraiment édifiant. Et notamment dans le monde diplomatique du printemps dernier, il y a un copain journaliste qui s'appelle Marc-Anne de Velde qui avait fait une formidable analyse de ce qu'était devenu le JT en quelques années. Et ce qui est assez dingue d'observer, ce qui est assez édifiant, c'est qu'on constate que en quelques années, alors il faut que je retrouve l'article, je voulais vous en lire des extraits, mais en quelques années, en fait, la part d'informations, on va dire, essentielles aux citoyens pour pouvoir vraiment se forger une idée, une grande idée, une idée un peu, on va dire, possiblement neutre et puis surtout possiblement étayée de ce qu'est la société aujourd'hui, de ce qu'est le climat politique, économique, à l'échelle internationale aussi, à l'échelle nationale. En fait, la durée de ces tranches d'infos, on va dire, indispensables à la compréhension du monde, s'est réduite d'année en année à peau de chagrin, et ça sur toutes les chaînes. Et donc, comme je vous le disais, la première chaîne regardée, c'est TF1, ensuite c'est France 2, et ensuite c'est M6. Alors, quand on observe le JT de TF1 entre Pernod le midi, où c'est une grande carte postale géante, où il n'y a quasiment aucune info qui ressort et où finalement on se dit mais ça a servi à rien ce JT, j'ai appris que le saucisson il est fabriqué avec du boyau de chèvre et puis que le camembert il se fait en Normandie, en gros c'est ça le JT de Pernod. Sous couvert quand même, parce que ils sont habiles en fait. Ils sont habiles parce que malgré tout, ils parlent des choses, ils semblent montrer les choses mais ils les cachent malgré tout. C'est-à-dire qu'ils vont parler des sujets, ils vont parler des grandes lignes des sujets de société, ils vont les aborder, mais ça va tenir sur 30 secondes. Et la façon dont ils vont en parler, ça va être juste le moyen, quelque part, de se dédouaner, de dire, si, on en a parlé, on a informé. Sauf qu'ils ont mis aucune perspective historique du fait, par exemple. Ils vont pas avoir étayé avec plusieurs sources. Hein. Ils vont pas avoir développé le sujet, parce que, naturellement, ça prendrait trop de temps. Et puis, les audimates en médiamétrie à plusieurs reprises prouvé que les sujets vraiment importants entre guillemets socialement, il faut pas d'audience quoi. Donc ils préfèrent parler d'un accident spectaculaire d'avion qui a eu lieu à l'autre bout du monde que de la misère, de la pauvreté, du nombre d'SDF qui meurent chaque année, chaque mois dans la rue, des conditions réellement de vie des gens. Ils vont pas développer par exemple, ou très peu, lorsqu'il y a une grève ou un mouvement social, comme on l'a vu pour la loi travail. Et ce qu'on constate, c'est que ça fait 1 minute 20 dans le JT de TF1 ou même de France 2. La dérive arrive aussi sur France Télévisions, malheureusement. Ça va faire 1 minute 20 et puis on va très souvent aussi prendre le prisme de l'usager pas content parce que le train est en panne, le train est en grève, je veux dire, et qu'il peut pas avoir son, il peut pas avoir son train. On va très rarement aller expliquer en profondeur les causes profondes, les causes réelles d'une grève, par exemple, d'un mouvement social, parce que évidemment ça dérange. Et puis des explications un petit peu longues, il faut qu'elles soient entendues, il faut qu'elles soient comprises par tout le monde. Et pour ça, ça demande un vrai travail de fond, un vrai travail journalistique. Et malheureusement, ce travail-là, ils ont de moins en moins le temps de le faire, les journalistes. Et ça, on le sait, y a beaucoup de syndicats d'ailleurs qui le dénoncent. Et ça, dans toutes les chaînes. Et donc voilà, on constate grosso modo que les vraies informations pertinentes et importantes, sont relégués au minimum politiquement correct et au minimum acceptable pour le citoyen lambda. Et puis, on va avoir 8 minutes sur tout un tas de sujets, de faits divers, de loisirs, de divertissements qui sont finalement pas très importants pour se forger une opinion. Voilà. Donc, j'ai pas retrouvé l'article. Je vais essayer de le retrouver parce que il était vraiment bien foutu. C'était Marc Andevelde qui avait fait ça. Voilà, donc les JT au gré des époques. Alors, malgré l'essor des chaînes de vidéos sur Internet et la diversification des pratiques, 20 millions de Français regardent chaque soir un journal télévisé. Emblème d'une information conformiste et de format toujours plus court, la grand-messe du 20h a dû évoluer depuis une dizaine d'années. Une inflexion marginale, mais lourde de sens. En 30 ans, pour accrocher les téléspectateurs, les journaux télévisés, JT, donc, ont multiplié les sujets traités dans une même édition et émietté l'information qu'ils diffusent. Entre 1974 et 2004, le nombre de sujets a plus que doublé et la part consacrée à l'actualité internationale a chuté de façon sensible au profit des faits divers. À la manière des climatologues qui réalisent des carottages de glace au niveau des pôles pour déterminer l'état de l'atmosphère d'il y a des millions d'années, analyser plusieurs journaux télévisés à la même date permet de constater des évolutions flagrantes dans la manière de fabriquer l'information télévisée. Ainsi, le 1er février 1974, le 20h de TF1 comporte 11 reportages, dont 4 relatifs à l'actualité internationale. Une sur le Soudan, 2 minutes 55. Sur un contentieux linguistique en Belgique, 3 minutes 10. Sur les scandales pétroliers en Italie, 1 minute 57. Sur la réunion des 9 chefs d'État et de gouvernement de la Communauté européenne à Copenhague, 2 minutes 5. Les sujets économiques et sociaux occupent également une large place, avec un point sur le charbon de 5 minutes 28 et un reportage de 2 minutes 45. Sur une réunion syndicale de la Confédération générale du travail, de la CGT. Alors ça, c'est un truc qui arrive plus jamais. Il faut savoir que TF1 puisse faire 2 minutes 45 sur la CGT, je pense que c'est historique. Enfin, on était en 1974. Le 1er février 1989, TF1 a été privatisé. Et le 20h compte désormais 14 sujets. Les reportages de moins de 2 minutes se généralisent, les brèves en images également. L'actualité internationale occupe encore 9 minutes 9. Et Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste français, est interrogé en première partie de journal durant 7 minutes 45. Mais des images spectaculaires ont commencé à faire leur apparition, comme une vidéo amateur relatant le sauvetage d'une plateforme en feu en mer du Nord, 47 secondes. Donc là, c'était le début de l'information spectacle. Ensuite, les journaux télévisés des 1er février 1994, 1999 et 2004 se ressemblent. Ils comportent, eux, entre 20 et 25 sujets, en 40 minutes environ. L'audimat a imposé sa loi. Les éditions sont parcourues de brèves en images. L'actualité internationale laisse la place aux reportages caritatifs et autres faits divers. En 1994, le journal télévisé du 1er février ouvre sur l'abbé Pierre et compte 6 minutes 9 de faits divers pour à peine 2 minutes 26 d'actualité internationale. Vous avez vu le basculement. Quelques années avant, c'était l'inverse. C'était 12 minutes sur l'international. Et là, maintenant, c'est passé à 2 minutes 26. Composé notamment de quelques brèves, 3 brèves d'images d'agence, 17 secondes à peine sur Alger, 14 secondes sur la guerre civile en Bosnie et à peine 26 secondes sur la guerre en Iran. En 1999, la bataille bancaire entre la Société Générale et BNP Paribas est renvoyée en fin de journal, toute fin de journal, à peine 1 minute 30. Après toute une série de reportages de faits divers, d'une totale de 11 minutes 25. Donc on a 11 minutes 25 sur des faits divers. Et une bataille hyper importante qui, pour la société, importe vraiment et influe sur la vie, c'est la bataille entre la Société Générale et la BNP, ça fait 1 minute 30. Voilà. La rédaction de TF1 n'oublie pas les informations positives. En ouvrant son 20h avec la remise d'un gros chèque de 1 million de francs à une association cherchant à soigner une petite fille aux États-Unis et en accordant 5 minutes 43 d'interview au duo Christian Clavier, Gérard Depardieu, pour la promo de son dernier film. Le 1er février 2004, après avoir exposé aux téléspectateurs des informations anxiogènes, avec une attention toute particulière à la santé, donc anxiogène, c'est donc tout ce qui joue sur les peurs, donc des infos très anxiogènes sur des épidémies, sur une campagne anti-tabac et sur la sécurité, des menaces chimiques, des contrôles sur l'immigration et des faits divers. Alors le 20h de TF1 inclus par des nouvelles jugées positives, l'interview en plateau de Bernard Tapie durant 4 minutes 6 pour la promotion de sa pièce de théâtre. L'opération pièce jaune pendant 4 minutes 27, dont un passionnant duplex avec Bernadette Chirac. Ainsi s'adapter à la multiplication des écrans et à la dilution ainsi l'information doit s'adapter à la multiplication des écrans et à la dilution des audiences ou disparaître. Toutefois, on constate une relative inflexion, voire un renversement partiel de cette tendance depuis une petite dizaine d'années. Les journaux télévisés comportent davantage de sujets présentés comme de l'enquête, ou de sujets appelés magazines, qui ont pour principale caractéristique de présenter aux téléspectateurs un format plus long, soit plus de 2 minutes. L'influence grandissante d'Internet et le développement du nombre de chaînes de télévision, avec l'apparition du numérique de la TNT en 2005, pèse incontestablement sur l'information télévisée traditionnelle. En l'occurrence, même la grand-messe du 20h en France doit s'adapter à la multiplication des écrans et à la dilution des audiences en fonction des supports. Ainsi, le 1er février 2014, si le JT de TF1, un JT des week-ends, ouvre sur les intempéries en France et en Europe durant plus de 10 minutes avec 4 sujets, un reportage international de 2 minutes 19 est ensuite consacré à la remise en cause en Espagne de l'IVG par les forces conservatrices, puis un autre sujet de 2 minutes 30 à l'incarcération de 2 pilotes français dans les Caraïbes détenus pour trafic de drogue. On constate donc une couverture de l'information à l'international qui se focalise sur le sensationnel, des catastrophes, des conflits, des fêtes et des traditions, mais qui oublie donc le principal, à savoir tout ce qui est socio-économique et politique. Mais surtout, le journal propose ensuite, donc là il reprend sur TF1, le journal de TF1 propose ensuite une enquête entre guillemets, de 3 minutes 43 sur le mal logement, pour illustrer la publication du rapport de la Fondation Abbé Pierre sur cette thématique. Et là, si la journaliste expose des témoignages, comme un locataire d'un 6 mètres carrés pour 410 euros par mois, oui, non, mais Ralette, c'est le spécialiste des débats juste sous le nez de celui qui est en train de parler. C'est assez... bon, c'est pas grave. Donc, bien sûr... Alors, où est-ce que j'en étais ? Oui, le JT TF1, ensuite, expose des témoignages, comme celui d'un locataire qui loue pour 410 euros 6 mètres carrés. Elle présente, grâce au temps dont elle dispose, des chiffres précis, ainsi des problématiques liées aux politiques publiques dans le secteur. Elle questionne des élus, des avocats, des professionnels de l'immobilier pour constater de nombreuses irrégularités légales au niveau du marché de la location et les difficultés grandissantes qu'ont les habitants de la région parisienne pour se loger. Bien sûr, l'autre reportage le plus long du journal, 3 minutes 14, est consacré, lui, à un sujet bien plus « positif », entre guillemets, sur un sport relativement peu populaire mais toutefois très spectaculaire, le ski nautique. Que reste que le JT de TF1 de ce 1er février 2014 compte désormais moins de sujets, 14 sujets seulement pour 31 minutes. Mais plus long, 8 sujets font plus de 2 minutes. Les illustrations des évolutions des JT traditionnels sur les chaînes historiques confrontées aux nouvelles concurrences du marché médiatique avec l'arrivée d'Internet et l'arrivée des nouvelles chaînes. Donc il y a eu quand même une petite amélioration grâce à la diversité. Il y a eu plus de concurrence sur la qualité de l'info, donc ils ont été un petit peu obligés d'améliorer leur qualité. Si ces tendances s'observent sur l'ensemble des grandes chaînes du paysage audiovisuel français, qu'on appelle dans le jargon le PAF, on se gardera d'en exagérer la portée. Comme le signale l'Institut national de l'audiovisuel, depuis 2010, c'est Arte qui propose la plus longue durée moyenne des sujets, avec 1 minute 56 en 2014, ce qui est quand même très court. Ensuite viennent TF1 et France 2 avec des durées moyennes quasi identiques de 1 minute 43. Suivi de France 3 qui stabilise à 1 minute 32 depuis 2011, après avoir été la chaîne qui proposait les sujets les plus longs. Dans sa dernière enquête statistique, l'INA, donc l'Institut national de l'audiovisuel, constate également que la rubrique société reste la plus importante, avec 21,3% des reportages pour M6, 21% pour TF1, 19% pour France 2 et 19% pour France 3. Si l'international occupe généralement la deuxième place, les JT désormais se focalisent sur tout ce qui est spectaculaire, les catastrophes et les conflits, ou sur des aspects très sociétaux, écartant là aussi la politique internationale et la diplomatie. Les cénacles de la mondialisation restent donc ignorés par les journaux télévisés. Voilà, donc les cénacles de la mondialisation, tout ce qui concerne les grosses sociétés, tous ceux qui tirent les ficelles de ce monde, dans les JT, on n'en entend quasiment jamais parler. Et tout ce qui concerne les scandales politico-financiers, ils sont quasiment inexistants des JT. Voilà. C'est en gros ce qu'on peut dire de la dérive de l'information. Enfin, moi, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions, des échanges qu'on peut avoir. Mais... Donc déjà, n'hésitez pas à vous rapprocher et n'hésitez pas à intervenir et à participer, à poser des questions, ce que vous voulez. C'était juste... je suis pas venu au tout début d'Éduque Pop, là, mais bon, j'ai écouté ton exposé. Je pense qu'un truc qui serait important à dire, c'est qui détient les médias, voilà, qui possède les médias, comment ça fonctionne, même aussi au niveau national, pourquoi des gens, des fois, viennent parler, qui les autorise à parler, comment ça se fait qu'on voit toujours les mêmes, pareil, dans les médias, est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Ça, effectivement, tu as tout à fait raison de le souligner. J'ai pas voulu développer parce que on en a déjà parlé lors d'autres conférences qu'on a fait avec Média Debout. Effectivement, le lien étroit entre les groupes financiers qui possèdent les rédactions, qui possèdent les médias et qui donc sont à la tête plus ou moins des rédactions, parce que bon. On ose espérer qu'il y a quand même quelques journalistes qui arrivent à exercer leur métier assez éthiquement, déontologiquement parlant, dans de bonnes conditions. Mais c'est vrai que sur les plateaux télé, on voit un peu toujours le même défilé de mêmes experts, les mêmes personnalités qui viennent parler l'un de la Russie, l'autre du conflit israélo-palestinien, l'autre et encore qu'on n'en parle pas beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a un vrai problème là-dessus, c'est que salut. C'est vrai que faut savoir que les rédactions elles fonctionnent avec le rythme qu'impose l'audimat, avec le rythme qu'imposent les succès d'audimat et effectivement ils se tirent la bourre tous, les rédactions des émissions, des JT, ils se tirent la bourre pour avoir le premier l'info, le premier le spécialiste qui va venir parler de tel truc. Donc évidemment que qu'est-ce qui mène un peu le jeu dans les médias et particulièrement à la télévision, c'est que beaucoup travaillent dans l'urgence tout le temps. Et beaucoup travaillent dans l'urgence, et donc ont un carnet d'adresses sous la main et vont avoir dans leur carnet d'adresses, hein, un tel, il est spécialiste voilà, de tel fait de société, lui, c'est la banlieue, ah bah lui, tiens, on va l'appeler, paf, et c'est un peu toujours, du coup, les mêmes qui tournent en boucle. Et puis, comme ils se connaissent et que c'est quand même un milieu qui est plus ou moins toujours un peu en relation, c'est quand même un milieu un peu clos, hein, le milieu journalistique. On a beau dire, ils se fréquentent beaucoup entre eux, ils parlent beaucoup entre eux, ils s'observent beaucoup les uns les autres, sans forcément tenir compte du fait que bah, le citoyen lambda, il va pas lire tous les journaux, il va pas regarder tous les JT pour s'informer, mais eux, par contre, sont tout le temps en train de se commenter les uns les autres, de dire « Ah, est-ce que tu as regardé le truc de le reportage d'un tel ? Est-ce que tu as lu le papier d'un tel ? » machin. Et en tous les cas, du coup, c'est un peu un cercle fermé. Et c'est vrai qu'on retrouve malheureusement souvent un peu les mêmes spécialistes. Alors, c'est particulièrement vrai à la télé, sur les chaînes dites d'info. C'est vrai qu'ITélé et BFM, c'est vraiment lamentable à ce niveau-là. Et voilà, c'est un milieu qui malheureusement fonctionne trop en vase clos. Et bon, surtout à la télé, surtout à la télé. Après, moi, je veux pas non plus les mettre tous dans le même panier parce que, comme nous disait tout à l'heure le monsieur qui est venu intervenir, qui est reparti, le journaliste qui est maintenant, je crois, à la retraite, qui a été au Syndicat national des journalistes. C'est vrai que les conditions de travail d'un journaliste, elles sont difficiles. Pour bien faire son boulot de journaliste, c'est dur, quoi. Il faut mettre de la passion et ça prend beaucoup de temps, recouper les sources, recouper les informations, etc. C'est un vrai putain de métier et souvent ils sont pas aux 35 heures. Et la précarité, elle est aussi réelle quand on est un pigiste indépendant d'une rédaction, qu'on doit faire une enquête. On est rarement à mi-temps. Hein, pour un journaliste qui fait réellement très bien son travail, il bosse comme un chien, quoi. Et d'ailleurs, moi pour ce week-end spécial média, j'ai fait marcher un peu tout mon carnet d'adresses, j'ai appelé toutes mes connaissances journalistes et que j'aurais bien aimé qu'ils puissent venir témoigner, parler de leur métier. Et ils étaient tous sous l'eau, dans des enquêtes, dans des machins. Ils m'ont dit j'ai pas le temps. Ou alors quelques-uns étaient partis en week-end quand même, puisqu'on est sur un grand week-end. Voilà. En tous les cas, c'est vrai que le métier de journaliste, c'est quand même un métier à part, je pense. C'est pas un métier, c'est pas n'importe quel métier. Et c'est un métier qui a des fortes responsabilités, c'est vrai. Et c'est un métier sur lequel nous citoyens, il faut qu'on soit attentifs. En tous les cas, sans forcément leur taper dessus sans arrêt et dire ouh les méchants journalistes qui font mal leur boulot. Il faut les alerter, il faut être conscient, il faut être critique envers eux. Mais critique avec justesse, parce qu'il y a encore plein de journalistes qui font bien leur boulot, et j'en connais plein. Et croyez-moi, ils bossent dans des conditions super dures, super hardes, et c'est loin d'être évident d'être journaliste aujourd'hui dans un monde de requins où, comme on peut le rappeler, en France, on est seulement au 49e rang dans le classement de la liberté de la presse, c'est-à-dire que la grande majorité des médias, maintenant, de toute façon, toutes les chaînes de télé, à part France Télévisions, appartient à des grands groupes financiers qui n'ont d'ailleurs rien à voir à la base avec la communication ou l'information. Ce sont des groupes dans le BTP, dans Général des Eaux, enfin bon, tout sauf des gens qui sont dans l'armement, évidemment, dans l'armement, enfin tout sauf des personnes qui sont formées et qui ont la culture et qui ont le savoir et la connaissance pour faire une bonne information, pour fournir de bons médias et même pas que de l'information, pour fournir de l'info et pour fournir des contenus de qualité. Oui, moi je me suis pas présentée, moi je suis intermittente du spectacle dans la télévision depuis 15 ans. Donc j'ai travaillé pour France Télévisions, Canal+, M6, pour toutes les chaînes. Et bah bien sûr, il y a des gens qui sont mes employeurs. Oui, Bolloré. Bah non, je cautionne pas. On n'a pas le choix. Alors est-ce que vous êtes en train de dire que tous les salariés qui bossent pour un groupe est responsable des décisions que prennent les directions? faut savoir qu'en France, il y a des hiérarchies dans les sociétés, dans les entreprises. Et qu'un petit pigiste, faut savoir que les petits pigistes, ils sont pas du tout responsables des lignes éditoriales, des grandes lignes décidées par les rédacteurs-chefs. Et évidemment que, bah oui, c'est pour se nourrir. Bah oui, chacun doit bouffer, mon gars, au bout d'un moment. Il y a même des gens qui finissent par aller bosser à McDo, figure-toi. Ça existe. Il y a des gens qui vont bosser à McDo et qui pourtant ont bien conscience que c'est de la merde. Et il y a même des gens... Eh ben oui, mais tout le monde peut pas SDF, mon cher. Tout le monde peut pas être SDF, tu vois. Et ouais, c'est le monde dans lequel on vit. Il faut faire des choix, au bout d'un moment. Et malheureusement... Le vrai moyen de faire évoluer cette société, c'est d'être des citoyens conscients, bien informés et qui puissent bouger et être actifs. Avec Médias Debout, on a fait par exemple... Non, je parle en tant que moi-même intermittente avec, pour des journalistes que je fréquente, que je connais un petit peu, un métier que je connais. Voilà. Donc en tous les cas, faut savoir par exemple qu'il y a une instance, en France qui s'appelle le CSA et qui est complètement endormie, mais alors qui ne tient pas du tout son rôle de conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est censé être un peu le gendarme. C'est un peu censé être le gendarme au niveau des médias et de l'audiovisuel en France. Et ben faut savoir que le CSA il est quasiment jamais saisi par nous concitoyens. Alors dernièrement, il y a eu un gros scandale qui a été vraiment qui a poussé le bouchon. C'était lors d'une des émissions racoleuses, raclure de bidet, j'ai envie de dire, d'Hanouna, là, où il y a eu une agression, carrément une agression sexuelle en direct sur l'antenne, et qui a engendré des fortes réactions. Heureusement, ça m'a un petit peu rassuré sur l'état des spectateurs de cette émission. Il y a eu plus de 250 plaintes déposées auprès du CSA. Donc le CSA, c'est un outil dont nous tous, on peut se saisir. Il y a un formulaire, je vous invite à aller sur Internet, vous allez sur le site du CSA, et vous pouvez émettre des critiques sur les émissions que vous voyez, sur si vous trouvez qu'il y a des... Si vous trouvez qu'il y a des reportages qui sont pas dignes d'être, enfin voilà, qui sont pas fiables, si vous trouvez qu'il y a des émissions où il y a des choses à faire. Voilà, dans tous les cas, le CSA, vous pouvez vous en saisir et c'est un outil important. Et je vous invite aussi à signer la pétition qu'on avait fait en commun avec les documentaristes Debout et Médias Debout pour demander au CSA de tenir son rôle. Et de garantir plus de neutralité, plus de création, plus de diversité et surtout plus d'indépendance dans les médias. Voilà. Donc je vais faire tourner peut-être un peu la parole maintenant que les énervés sont partis. Ah non, ils sont encore là. Oui, alors Sophie, tu interviens beaucoup sur le CSA, sur l'éthique. Et je trouve que ce discours-là est dangereux. Dangereux dans le sens où un discours éthique... C'est aussi ce qui justifie, par exemple, en ce moment, les journalistes de Taranis News sont attaqués. Et c'est aussi pour des raisons d'éthique. C'est-à-dire, au niveau de l'éthique, oui, ils ont piqué un talkie-walkie, oui, ils filment des violences policières. L'éthique, à la fois pour le journaliste, est quelque chose auquel on doit se fier, on doit être un journaliste éthique, c'est nécessaire. Et en même temps, ça peut... Le mot éthique... est à double tranchant. Et pareil pour le CSA. Pareil pour l'État. C'est à double tranchant. C'est-à-dire que c'est pas tant quelque chose qui protège les journalistes que ça. Et ça peut devenir aussi une épée de Damoclès pour un journaliste, l'éthique. Ça peut être aussi ce qui restreint la liberté d'expression. Justement, tu disais, il faut faire tourner la parole. Et la liberté d'expression, c'est aussi le temps de parole. Et quand il y a un sujet qui n'est pas éthique, comme tu as pu le montrer là dans la manière de voir, le temps de parole est réduit drastiquement. Drastiquement. Donc pour des raisons d'éthique. Donc c'est un mot qui selon moi est à double tranchant, comme le CSA. Il peut y avoir, ouais, à mes yeux, ça peut être une solution sur certains sujets. mais c'est pas non plus le l'objectif en soi. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très important l'éthique, mais ça peut pas suffire à justifier, selon moi, une amélioration des conditions de travail des journalistes, de la liberté de la presse, de... En fait, je vois pas trop le rapport entre cette éthique-là, l'éthique... Là, c'est une accusation fausse qui est faite à Gaspard Glanz. Gaspard Glanz, c'est le fondateur de l'agence Taranis News et qui est un journaliste très engagé et qui va sur tous les fronts, qui a été toutes les manifs et qui est allé à Calais pour filmer tout ce qui se passait d'affreux dans cette jungle de Calais lors de son démantèlement. Et effectivement, il y a une volonté clairement politique de l'accuser d'avoir volé un talkie-walkie de CRS. Évidemment que... Alors lui, il dément. Hein. Je ne sais pas du tout s'il l'a fait ou pas. Peut-être qu'il l'a fait, après tout, on n'en sait rien. Mais de toute façon, ce qui est clair, c'est que c'est une volonté politique de trouver une faille... chez ce journaliste pour le faire arrêter et pour l'empêcher de filmer là où ça dérange, parce que Gaspard il est sur tous les endroits chauds, les points chauds, là où il y a des manifs sauvages, là où il y a des combats de rue, là où il y a dès qu'il y a quelque chose de tendu qui se passe en France sur le territoire, il y va. Et donc forcément il a de plus en plus aussi de soutien, il a de plus en plus d'audimat. Et c'est évidemment pour déplaire aux autorités. Et pour moi, tu mélanges deux plans, en fait. Tu fais une confusion. C'est pas du tout la même éthique dont je parle que celle du métier de journaliste. L'éthique journalistique, il y a une charte. Normalement, le métier de journaliste, il est normalement très encadré. Et justement, dans les rédactions, c'est de plus en plus difficile de faire respecter cette charte du métier journaliste. Il y a la théorie et il y a la pratique. Et en théorie, le métier de journaliste, c'est un métier très bien, qui est tout à fait neutre et enfin qui doit être en tous les cas au service du bien commun, au service de l'information, au service des gens. Et dans la pratique, de plus en plus de pigistes et de journalistes se retrouvent obligés, pour ne pas déplaire à leur rédaction, de s'asseoir sur leur éthique morale et leur éthique journalistique. Pour pas se faire virer, tout simplement, parce que on en est tous revenus à ça maintenant aujourd'hui. Et ce problème-là, il existe dans plein de sociétés. Il y a des tas de boîtes où il se passe des horreurs et où les salariés ferment leur gueule parce que ils savent que sinon c'est la porte, quoi. Et c'est vrai dans le milieu du journalisme, mais c'est vrai dans des tas d'autres sociétés. Là, j'entendais ce matin sur France Inter, c'était hyper intéressant. C'était sur tous les dossiers, enterrés à l'Assemblée nationale, ou que le Sénat enterre une fois que l'Assemblée l'a voté les bonnes lois, on va dire, que l'Assemblée passe. Le Sénat les étouffe, les éteint, parce que les lobbies sont passés par là entre temps. Et il y avait un truc super intéressant sur les boîtes de conseil. Vous savez, toutes ces boîtes de conseil qui pullulent et qui sont dans les nébuleuses de tous ces cabinets, les cabinets ministériels, les cabinets des institutions françaises, grouillent et regorgent de conseils, de boîtes de conseils, et aussi dans les banques. Et alors, il racontait que c'est monnaie courante, qu'il y ait des banques qui montent de toutes pièces des faux cabinets de conseil avec des faux conseillers, et ils embauchent des gens à rien faire, ces gens-là sont là, payés à rien foutre. Et ces gens-là, ils disent rien non plus, quoi. Ils laissent faire. Pourtant, ils voient bien qu'ils sont payés à rien foutre et qu'ils font des faux rapports ou des faux. Ça a eu lieu, par exemple, pour tout le scandale des emprunts, les fameux emprunts pourris, là, les emprunts qui ont pourri toutes les les emprunts toxiques. Voilà, tous les emprunts. Merci. Tous les emprunts toxiques et les subprimes. Il y a eu plein de dossiers qui ont été montés grâce à des cabinets de conseil qui ont été faussement instaurés, mais par des banques, par tout un tas de sociétés. Et les gens qui bossent là-dedans, ils disent quelque chose, eux ? Ben non, ils ferment leur gueule. Et donc le journaliste, lui, quand il est dans sa boîte, où il est payé au lance-pierre, où il bosse comme un chien, où il a la pression de sa rédaction, où il est pigiste, eh ben lui, il voudrait peut-être faire un boulot journalistique éthique et parfois peut-être qu'il essaye de défendre son papier pour que un papier vraiment important et qui dénonce quelque chose soit publié. Mais quand t'as ton rédac-chef qui dit ben non, tu fermes ta gueule, ton papier, oh là là, ça dérange le patron parce que ça parle de l'armement et nous on est détenus par Dassault, donc tu dis rien, tu fermes ta gueule. Bah le journaliste, il est comme tout le monde, hein, il ferme sa gueule parfois, tu vois. Donc ouais, non mais pas tout le monde, il y a des lanceurs d'alerte, tu vois, il y a des lanceurs d'alerte, mais il faut arrêter de taper sur les gens qui sont pas courageux. On n'est pas tous courageux, on n'a pas tous des couilles, on le sait, et voilà, bah oui, toi t'as des couilles, bah vas-y, ok. Moi aussi j'ai eu des couilles, tu vois, je suis montée sur le plateau d'Hanouna pour dénoncer, on m'a dit à longueur de temps, ouais t'as une meuf qui a des couilles, t'es montée sur le plateau de D8 pour dénoncer. Hein, et ben il y a eu aussi tout un tas de connards dans la lutte et des militants, hein, dont des gens comme Seb qui m'ont dit ouais retourne chez Hanouna, retourne chez D8, retourne chez Énergie 12, voilà. Et il y a tout un tas de gens qui sont les premiers à dénoncer, hein, qui eux vont pas aller foutre le nez là où ils sont dans leur boîte, là où ils travaillent, etc. Donc moi j'en ai un peu marre d'entendre sans arrêt taper injustement sur le métier de journaliste. Parce que oui, il y a des journalistes pourris, oui, ça existe comme partout, mais ils le sont pas tous, et c'est à nous aussi de citoyens de les aider à pas faire un boulot de merde et d'être vigilants et de les défendre quand ils sont en grève, notamment ceux dits télé, par exemple. Et c'est à nous aussi de soutenir les syndicats de journalistes, les collectifs qui tentent d'informer convenablement. Il y a plein de journalistes impliqués. Il y a par exemple le collectif Informer n'est pas un délit, qui s'est monté il y a un an, qui regroupe une centaine de journalistes issus de tous les grands médias, et dont font partie donc de ce collectif Informer n'est pas un délit, il y a Élise Lucet qui en fait partie, il y a Jean-Pierre Canet qui est un des fondateurs de Cache Investigation, il y a plein de gens en France Télévisions, il y a plein de journalistes qui essayent de bien bosser, et ces gens-là prennent des risques, prennent position. Et il faut savoir que prendre position quand on est journaliste, qu'on bosse dans les médias, mais vous vous rendez compte de la difficulté que c'est? Comment voulez-vous dénoncer quand vous êtes au cœur même de la machine d'information? C'est hyper complexe comme position. Voilà, donc il faut, je pense, nous, en tant que citoyens, cesser d'être dans la critique facile et tomber dans ces écueils de dire « Oh, le métier de journaliste, ils sont tous pourris, de toute façon, nous, citoyens lambda, on peut rien faire ». Non, c'est faux. À notre niveau, on peut nous aussi agir. Et c'est le but, d'ailleurs, de la commission Médias Debout. Voilà. Donc, si vous voulez rejoindre la commission et nous aider, faire de l'analyse des médias, faire de la critique des médias, aider les journalistes qui se battent, ceux qui font bien leur boulot, bah, vous pouvez nous rejoindre. Voilà. En fait, voilà, quoi. Le gros problème, c'est qu'on n'est pas en démocratie. On l'a jamais été. Les médias, c'est pas non plus des démocraties, quoi. Et donc, bon voilà, faut quand même dire aussi, faut quand même donner des noms, quoi. TF1, c'est Bouygues. Attends, laisse-moi terminer, puis après tu pourras intervenir. Bah oui, bah non, on n'est pas en démocratie. À Nuit Debout, oui, mais je te parle de la France. Mais moi, je te parle de la France. Mais laisse-moi parler, et puis tu interviendras après. Tu veux pas me laisser parler? Bon. Donc, bon, TF1, c'est Bouygues, hein, iTélé, Canal+, c'est Bolloré, on a aussi les petits tracts qui nous distribuent tous les matins, mais tout ça c'est important à dire, on a les petits tracts qu'on nous distribue tous les matins, qui sont Métro, qui est Bouygues, qui sont, comment ils s'appellent au Télématin ? Direct Matin, c'est Bolloré, Direct 8, c'est Bolloré. Le Monde, Libération, c'est Rothschild. Tout ça, c'est important, faut le dire. Quand on voit, par exemple, un monsieur qui passe tout le temps à la télé, qui s'appelle Attali, qui passe tout le temps à la télé, ce monsieur, c'est lui qui a présenté Hollande à Mitterrand, c'est lui qui est conseiller de Hollande, c'est lui qui est conseiller de Sarkozy, c'est lui qui a présenté, comment il s'appelle, Macron à Hollande. Macron qui était le directeur de la banque Rothschild, tout ça c'est important, Rothschild qui tient Libération, tout ça c'est important, je pense qu'il faut le dire, c'est très important. Ensuite, pour le métier de journaliste, tu dis qu'on crache sur les... que les gens ils critiquent beaucoup les journalistes, mais ils ont raison puisqu'on voit qui c'est qui tient les médias, voilà, alors les journalistes ils travaillent pour ces gens-là, faut qu'ils mangent comme tu le dis, donc on a le droit de les critiquer. Après il est là le problème, après tu me dis il y a des bons journalistes, combien ils sont les bons journalistes sur nos... Moi, je regarde la télévision. Bah voilà, même nos médias dits pas privés nationaux, ils sont quand même bien tenus par les privés. On a par exemple, si quand même pas mal. Les émissions, elles sont quand même assez rares. Les bonnes émissions sur nos médias, même France Inter, il y a des fois des bonnes émissions, évidemment. Mais le rendez-vous avec Monsieur X, par exemple, ça a disparu. Tu parlais de TDI, où des fois il y avait des bons moments à TDI, ça a disparu. Il y a plein de choses comme ça. Enfin bon, il y a quand même pas mal de problèmes. Voilà, qui tient les médias et combien sont les bons journalistes, combien sont les mauvais, quoi. Là, c'est ça. Il y a des bons journalistes. Tu me dis, mais ouais, il y a des poissons volants, mais c'est pas la majorité du genre. Après, combien ils sont les bons journalistes, c'est ça. La question, elle est là aussi. Ouais, des milliers, mais oui, mais quoi. Combien ils sont, voilà, c'est ça la question. Non, mais ce qu'on voit, c'est le résultat. Ce qu'on voit, c'est le résultat. C'est le résultat, c'est quand même dans notre. Ce qu'on voit, c'est le résultat. L'information, elle est quand même dans l'ensemble pourrie, quoi. Elle est quand même bien pourrie. Bah oui, faut le dire. T'as fait ton exposé là-dessus pendant je sais pas combien de temps en plus. Bah, je te parle de l'information à la télévision, puisque c'est ce que les gens ils regardent le plus. Les gens ils lisent plus. Tu viens de le dire. Donc voilà. Donc quand même, ça veut dire que les gens ils sont pas du tout informés. Les médias sont pas démocratiques. Voilà. Donc on leur raconte n'importe quoi. Et puis c'est pas que du mensonge, c'est surtout qu'il y a plein de choses qu'on dit pas. En fait, c'est le mensonge par omission. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est subtil. Hein. En fait, ils mentent pas. Hein, c'est des gens qui sont bien. Ils mentent pas. Seulement, ils disent pas la vérité. Ils nous la disent jamais. Quoi. C'est ça le problème. Moi, je vais réagir, Sophie, par rapport à ce que tu viens de dire. Excuse-moi. Bon, je vais te dire par rapport à tous les journaux, les journalistes qu'il peut avoir. Moi, je vais te dire, leur boulot, c'est simple. Je vais donner un exemple facile. C'est le boulot d'un maçon qui monte sa chape et petit à petit, qui monte son mur. C'est-à-dire, derrière, plus il va monter, plus ça va être de la connerie. Moi, quand je vois les journaux 20 minutes, les ceci, les cela, Le Monde, les ceci, les cela, et que je vois les conneries dessus marquées, et que, franchement, il y a des choses, mais c'est vraiment n'importe quoi. Quand on voit, regarde, quand on voit derrière que quand il y a eu la manif de la police, ah ben on a vu BFM TV, iTélé, M6, TF1, Canal+, ceci, cela. Mais quand on a besoin de nous avoir des films par rapport à nos manifs sur les répressions policières et tout ça, bah derrière, iTélé, tout ça ne sont pas là. Pourquoi ? Parce qu'il faut montrer que la police fait ses trucs, mais le peuple derrière, pour le cacher, qui fait ses trucs aussi. Alors, excuse-moi. Pour moi, le journaliste en lui-même, moi, je lui crache à la gueule parce que tout simplement, au lieu de travailler réellement dans sa critique, mais ouais, je crache sur tout le monde parce que tout simplement, voilà. Mais c'est normal. Les mecs, ils sont payés à quoi ? À raconter que de la merde H24. On va dire, allez, dernièrement, on va dire quoi ? 2006. Allez. En 2006, il y a eu quoi ? Le CPE et juste derrière, il y a eu quoi ? Il y a eu les émeutes. On a parlé beaucoup des émeutes, on a parlé, ouais, on parle beaucoup aussi à la télé, Mohamed, Brahim, ceci, cela, a fait un vol, a fait une agression, a fait ceci, a fait cela. Mais derrière, est-ce qu'on va parler du simple Jean-François ou du Jean-Pierre qui a tiré sur quelqu'un ou qui a violé une gamine ? Non, parce que c'est un simple Français, et ça on va le protéger. Mais excuse-moi, pour moi la désinformation, c'est complètement sur toutes les télés. Arrêtez de visionner la télé. Arrêtez de regarder les médias qui vous embobinent. Comme là, on vient de se faire, entre guillemets, embobiner pendant trois quarts d'heure, une heure. Et je peux vous dire que c'est pareil. Cette personne a travaillé à Direct 8 et à Énergie 12 en tant que prompteuse. Alors bon, voilà. Je vais vous dire. Et en même temps, vous pouvez même aller sur Internet, elle a déposé une plainte contre sur Direct 8 par rapport à son métier. Alors bon, voilà. Moi, je veux dire à ceci des gens comme ça qui veulent dire que tout simplement lever la voix en tant qu'intermittent du spectacle, excuse-moi, intermittent du spectacle, c'est gratuit. Alors bon, moi, je suis désolé de te dire ça. Moi, sur les journalistes, vaut mieux qu'ils se mettent au chômage et qu'ils arrêtent de raconter de la merde. C'est ton avis, bien évidemment. T'as raison de le dire. Donc, je rappelle que là, on est à Debout Éducation Populaire. Tout le monde peut parler, tout le monde peut dire ce qu'il a envie de dire. Et après, vous réagissez comme vous voulez, bien évidemment. Tu veux répondre ou pas ? Ou je laisse la parole à quelqu'un d'autre ? Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer ? dire quelque chose, poser une question, toi ? C'était juste pour dire que aussi il y a une technique qui est assez simple, c'est jouer sur le registre de l'émotion, parce que quand on est dans le registre de l'émotion, on n'est pas dans le registre de la morale. On a eu ça, c'est pour ça qu'on voit souvent du sexe et de la violence et pas de la réflexion dans les informations. Parce que comme ça, tu réfléchis pas. Par exemple, pour les attentats, on nous a montré que de la violence pendant 15 jours sur les attentats, où on nous faisait des histoires des gens qui avaient été victimes des attentats, etc., les pauvres et tout. Alors, évidemment, c'était réel, hein. Les gens, ils nous montraient toutes les victimes des attentats, ils nous montraient leur vie, l'autre qui avait perdu son frère, l'autre qui avait perdu son fils. Enfin, c'était terrible, quoi, pendant 15 jours après les attentats du 12 novembre. Mais en même temps, quand on est dans l'émotion, on réfléchit plus. On peut vous faire passer n'importe quoi. Je rappelle que des attentats, il y en a plein dans plein d'autres pays, par exemple en Syrie, en Irak, ou voilà, et qu'on pourrait nous faire pareil, hein, on pourrait nous parler comme ça, mais seulement on nous parle juste qu'il y a eu quelques attentats, on nous en parle que pendant quelques secondes, on nous parle des 200 morts pendant je sais pas combien de temps, et parce qu'ils sont français, parce que ça s'est passé en France, mais des morts, il y en a partout, ce serait bien qu'on en parle aussi des morts qu'il y a un peu partout, et pas que des morts français, voilà. Ça, c'est important, parce que quand on est dans le registre de l'émotion, on réfléchit pas, et après, on peut nous faire passer un état d'urgence, par exemple, voilà. Pareil, il y a eu le traitement de Nuit Debout. Nuit Debout, il y a eu peut-être le 1er mai, là, où il y a eu un peu de violence, et encore, c'était même pas des gens de Nuit Debout. Et pourtant, les médias, ils sont venus, ils nous en ont parlé pendant je sais pas combien de temps. Nuit Debout, c'était des casseurs. Moi, quand je prenais mon ascenseur avec mes voisins, ils me disaient « Ah, tu vas à République, c'est là-bas qu'il y a les casseurs. » Alors que moi, quand je venais à République, il n'y avait pas de casseurs. Il y avait des discussions, comme on en voit ici, là. Voilà, qui était tranquille. Les moments où il y a eu de la violence, ça a été quoi ? 0,1% de Nuit Debout, et encore, voilà. Donc, voilà, il y a un traitement médiatique qui est quand même assez dégueulasse, quoi. Voilà, c'était juste pour parler de ça, quoi. Oui, le traitement médiatique de Nuit Debout, il y aurait tout un... un grand exposé à faire dessus. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ont fait des recherches là-dessus. Moi, je ne m'y suis pas penchée plus que ça, mais le constat est clair. Il y a eu de la manipulation et de l'amalgame de faits volontairement pour laisser entendre que ceux de Nuit Debout, c'était ceux qui allaient casser dans les manifs et qu'on n'était pas fréquentables. Il y a eu des petites phrases vraiment... monté en épingle et relayé à outrance par les médias, notamment Sarko qui a balancé qu'à Nuit Debout, c'était des gens sans cerveau. Hein, donc, vous voyez, visiblement, j'ai pas de cerveau, d'après Sarko. Non, effectivement, les médias ont un rôle énorme de diffusion de conneries. et ils sont très forts pour relayer toujours les mêmes paroles et les augmenter. Voilà, donc à Nuit Debout, c'est vrai qu'au départ, au tout début de Nuit Debout, on a eu plutôt, les premiers jours, un traitement favorable de l'information, par l'information. Et du coup, d'ailleurs, ça a encouragé, il y a eu de plus en plus de monde qui venait sur la place. La première semaine, c'était gigantesque. Tout le monde était hyper étonné à Nuit Debout de voir que même BFM, iTélé, faisait des reportages plutôt assez presque élogieux de Nuit Debout en disant c'est formidable, toutes ces personnes qui viennent sur la place, etc. Et puis, moi j'ai la conviction que très rapidement, au sommet, ils ont commencé à se dire « Oulala, il y a beaucoup d'engouement là, ça commence à craindre ». La population est en train de faire un truc formidable et ça leur plaît, et ils se réunissent, ils parlent, ils cogitent, ils commencent à faire des manifs sauvages, à avoir une critique de la société aiguë. Et c'est clair que petit à petit, on a vu des incidents, mais totalement insignifiants, comme le coup de Finkielkraut, monté en épingle, alors que c'était vraiment un petit truc, mais rien du tout à Nuit Debout. Et alors, ça a été repris en boucle pendant des jours et des jours. Et tout le monde s'est mis à dire à Nuit Debout, Finkielkraut s'est fait virer, c'est vraiment des connards, machin. Mais bon, il y a quand même une petite part de responsabilité aussi par certains militants de Nuit Debout, et ça, Je pense que Sébastien ou des gens un peu très très très en colère et très vénères sont aussi un petit peu en lien avec ça. C'est que il y a eu quand même parfois des tensions, des agressivités sur la place et on en voit aussi ici quand il y a des personnes qui se pointent et puis qui invectivent, qui s'énervent, etc. Et puis c'est vrai que tout le monde a pas la capacité de pouvoir supporter ce genre d'intervention et ce genre de personnage. Et ça fait partie un petit peu de Nuit Debout. Nous on l'accepte en tant que militants de Nuit Debout, on accepte tout le monde, y compris les gens les plus marginaux, mais c'est pas toujours évident. Et parmi ces marginaux, comme on l'a vu, il y a des gens qui ont très mal reçu des journalistes aussi. Moi, j'ai une collègue de France 3 qui m'a appelée, qui m'a dit « Écoute Sophie, moi je suis venue à Nuit Debout, j'ai été agressée, on m'a balancé des trucs sur la gueule et on m'a obligée à effacer mes rushs. » Voilà. Donc après, qu'on s'étonne pas qu'il y ait des médias et que ça tourne entre eux, qu'ils se disent entre eux « Ah ben, allez pas Nuit Debout parce que il y a certains énergumènes qui viennent, qui nous caillassent, qui nous agressent. » Il y a eu plein de gens d'ITélé qui se sont fait insulter, qui se sont fait... Alors bien sûr, peut-être que pour vous, d'après vous, c'est des salauds, c'est tous des salauds les journalistes, n'empêche que ça reste avant tout des personnes humaines. Et à Nuit Debout, on était censés tous, avant tout, défendre une certaine notion d'humanité, de dialogue, de bienveillance, etc. Et c'est sûr que n'importe quelle personne, même si c'est des connards, entre guillemets, d'ITélé, si on les accueille en les insultant d'emblée, en refusant tout dialogue, etc., et en leur demandant d'effacer leurs images, du coup, forcément, on s'étonne après d'avoir un mauvais traitement dans les médias. Et c'est un peu ce qui s'est passé, quand même, hein, malgré tout, faut quand même le rappeler. Et j'ai fait partie des gens qui sont venus un maximum de fois sur la place pour essayer d'encadrer un peu, d'aider, d'accueillir les journalistes et de tenir un peu à l'écart les énergumènes trop énervés envers eux. Mais ça a été loin d'être évident. Et énergumène. Et effectivement, ce genre de ils aiment pas être filmés, ils se tournent et ils vont derrière la caméra s'ils veulent pas être filmés. Mais une caméra, c'est fait la photo. Henri Cartier-Bresson, mon gars, il demandait pas l'autorisation avant de prendre en photo les gens, les passants. C'est aussi rendre compte d'une réalité de la société. Donc ok, il y a des gens qui aiment pas être photographiés, mais c'est pas une raison pour insulter et pour aller balancer une caméra ou je sais pas quoi. Voilà. Donc en tous les cas, je pense que tout n'est pas noir ou blanc, ça c'est clair. Et en tous les cas, le fait est que les médias d'aujourd'hui, tels qu'ils existent aujourd'hui, ils sont pas au service du bien commun, en tous les cas, et des citoyens, et ils sont pas au service d'une information neutre et de qualité. Donc c'est clair qu'il faut qu'on s'empare de cette question, nous tous, en tant que citoyens, et qu'on œuvre et qu'on travaille à ça, et qu'on s'en empare et qu'on ne soit pas uniquement passif et à faire des constats sans rien faire. Voilà. Donc demain, il y aura une grande assemblée populaire à 16h, ici même sur la place de la République, qui sera également sur le thème des médias. Donc je vous invite tous à revenir demain pour faire tous ensemble une assemblée populaire autour des médias. Et nous aurons avec nous en présence le premier secrétaire de Reporters sans frontières, qui est quand même une institution mondialement reconnue et qui œuvre à défendre partout dans le monde la liberté de la presse, la liberté d'informer. Voilà, donc ça, c'est des gens qui font un boulot de dingue et qu'il faut aussi remercier, même s'ils peuvent pas être sur tous les fronts. Et voilà. En tous les cas, merci à vous tous d'avoir suivi cet atelier EducPop autour des médias. Vous pouvez retrouver Médias Debout sur Facebook, sur Twitter. Si vous voulez que je vous inscrive sur la mailing list Médias Debout, n'hésitez pas à venir me voir. Et puis merci à tous et bonne fin de soirée. Merci Sophie. Donc je rappelle, on était dans un cadre, donc nous n'étions pas à Nuit Debout, mais à Debout Éducation Populaire de Nuit Debout, qui est l'éducation populaire à Nuit Debout. Voilà, que les propos qui sont dits ici n'engagent que les personnes qui les tiennent, que la parole est libre de dire tout ce qu'on peut penser. Du coup, éducation populaire, en fait, vit essentiellement avec des petits bénévoles. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour nous aider à mettre le matériel en place. Et puis n'hésitez pas également à nous contacter pour nous donner des interventions si vous avez des choses à dire sur des sujets bien particuliers. On sera demain sur la place Éducation Populaire pour la 12e séance de notre atelier « Quelle société veut-on ?» de 15h à 17h. Donc on vous attend nombreux. Cette fois-ci, c'est vous qui participez. Il n'y a pas d'intervenants et c'est très constructif et très pédagogique. Donc ça, c'est cool. Et donc, les copains Nuit Debout, effectivement, font la suite pour tout ce qui est médias. Voilà, donc merci à vous de venir malgré le froid qui commence à arriver gentiment sur République. Et après, il y a une projection à 19h d'un film. Il y a les copains d'Antipub à côté, si vous voulez faire de l'Antipub. C'est quoi le film? Très bonne question. Hein? Les nouveaux chiens de garde. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, projection à 19h, si tout se passe bien. Voilà. Alors, on me dit que c'est très bien. Donc, je ne connais pas. Tant mieux. Et voilà. 30 secondes. Ouais, les nouveaux chiens de garde, Serge Halimi, c'est vraiment un film à voir. C'est excellent. C'est justement sur la critique des médias. Hein. C'est dans le dans la thématique d'aujourd'hui sur les médias. Donc c'est un film qui a été fait sur les rapports un peu incestueux entre les médias et entre les journalistes et les gens qui ont de l'argent et les puissances financières entre les journalistes et les politiques. Voilà, c'est un très très bon film à voir. Voilà, critique des médias, ouais, qui est excellente. Merci et merci à ceux qui aident pour les cordes. Merci beaucoup.